But now he's coming with the raptured church. Maintenant, il revient avec l'église qui avait été enlevée. He says, verse 11. Il dit au verset 11. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice, he judges and makes war. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verse 14 is for you. Verset 14 est pour vous. He says, the armies of heaven were following him, riding white horses, dressed in fine linen, white and clean. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. When the Lord showed me the rapture of the dead, lorsque l'Éternel m'a montré l'enlèvement des morts, what was the message to the church? Quel était le message pour l'église? Tremendous message. Un message puissant. He is saying, il dit, the holy gown, la robe sainte, that you prepare today, que tu prépares aujourd'hui, determines your eternity. Détermine ton éternité. The white linen, le lin blanc, bright and clean, pur éclatant, that you prepare now for the rapture, que tu prépares maintenant pour l'enlèvement, is the same one you come with to Jerusalem. C'est la même avec laquelle tu vas entrer dans Jérusalem. In other words, if you prepare today, en d'autres mots, si tu prépares aujourd'hui, and resolve to walk in holiness, et te résous à marcher dans la sainteté, you have determined your future. Tu es en train de déterminer ton futur. You have determined your eternity. Tu es en train de déterminer ton éternité. It is determined today. Cela est déterminé aujourd'hui. Alléluia. That's why, c'est pour cela, before the rapture, avant l'enlèvement, verse 8, verset 8, she is wearing fine linen, elle porte un lin fin, bright and clean, pur éclatant, which is holiness, qui est la sainteté, righteousness, la justice. After the rapture, après l'enlèvement, she is coming with the Lord, elle revient avec le Seigneur, to Jerusalem, à Jérusalem, wearing fine linen, bright and clean, portant les robes blanches et de fin lin. Let me share this here. Permettez-moi de partager ceci ici. When the Lord presented John the Baptist on my right hand side, lorsque l'Éternel a montré Jean-Baptiste à ma main droite, there are many landmarks the Spirit of the Lord gave me that would take place on the earth. L'Esprit du Seigneur m'a montré plusieurs choses qui devaient arriver sur la terre. Even leading towards the wedding of the Lamb of God. Qui devait conduire au mariage de l'agneau de Dieu. The two major changes in Israel. Il y a deux changements majeurs en Israël. And the Spirit lifted me there, and I went all over the Middle East. L'Esprit m'a soulevé et je survolais tout le Moyen-Orient. All over Israel. Tout Israël. And then came back to this visitation. Et je suis rentré dans cette visitation. Two major changes. Deux changements majeurs. One took place in January 2004. L'un de ces changements a eu lieu en janvier 2004. 2004-2006. I think 2006. Je veux dire 2006. January. Janvier 2006. Another one is about to take place now. Et l'autre est sur le point d'arriver maintenant. In the month of September. Dans le mois de septembre. I'm not even watching my news, so probably it's taken place already. Je ne regarde pas les nouvelles, c'est peut-être ça se passe maintenant. Another landmark he showed me. Il y a une autre marque qu'il m'a montré. Let me share it to this church. Je vais partager avec cette église. I saw a lot of Christians. J'ai vu beaucoup de chrétiens. They were heading to Jerusalem. Allant à Jérusalem. And I did not understand. Et j'ai pas compris. A lot of planes. Beaucoup d'avions. Aeroplanes with Christians that were heading to Jerusalem. Beaucoup d'avions amenant des chrétiens à Jérusalem. I was very shocked. J'étais choqué. When it happened this year. Quand ça arrive cette année. When for the first time. Pour la première fois. Multitudes of Christians. Des milliers de chrétiens. This year. Cette année. Flocked Israel. Sont allés en Israël. to celebrate the 60th anniversary. Pour célébrer le 60e anniversaire. And it's still going on until today. Qui continue jusqu'à maintenant. It was seen by Isaiah. Isaïe avait vu cela. Isaiah saw the same thing. Isaïe a vu la même chose. I think it's chapter 60 verse 8 somewhere there. Je pense c'est chapitre 60 verset 8. When Isaiah asked. Lorsqu'Isaïe a demandé. I was very stunned. J'étais étonné. I was very surprised by the Lord. J'étais vraiment étonné par le Seigneur. Let me hope it's there. 60 verse 8, right? J'ai dit 60 verset 8, hein. And this is what it says. Who are these that fly along the clouds like doves to their nests? Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? At that time, à ce moment-là, the aeroplane had not been invented. Les avions n'étaient pas encore inventés. So Isaiah did not understand. Isaïe ne comprenait pas. He did not understand. They were not Jews. Il a pas compris qu'ils étaient pas des Juifs. That's why he asked the Father. C'est pour ça qu'il demande au Père. In that vision. Dans cette vision. Who are these? Qui sont ceux-là? That are flying in the clouds. Qui volent dans les nuées. Like birds to their nests. Comme des oiseaux vers leur colombier. And arriving at Israel. Et arrivant en Israël. I was very shocked. J'étais vraiment choqué. Listen to me. Écoutez-moi. The wedding of the Lamb of God is near. Le mariage de l'agneau de Dieu est proche. I will not share the other landmarks. Je ne vais pas partager l'autre image. But the second change. Mais le deuxième changement. In Israel is happening now. In fact, I've not read, I've not watched any news, I've not watched, but I know it's happening now. Je this sais month. Que cela se passe maintenant en ce mois de septembre. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux, bien-aimés. I don't come to fool around with you here. Je ne viens pas pour m'amuser avec vous ici. We have an itinerary of many nations. Nous avons un itinéraire avec beaucoup de nations. That are waiting to hear this message about the wedding of the Lamb. Qui attendent d'écouter ce message du mariage de l'agneau. The revelation about the wedding of the Lamb of God. La révélation sur le mariage de l'agneau de Dieu. That's why this was the biggest opportunity I had. C'est pour ça que c'était la plus grande opportunité que j'ai eue. In many meetings, if it's in the stadium, I just go to announce, prepare the way the Messiah is coming. Dans plusieurs réunions, quand c'est des stades, je dis seulement, préparez la voie, le Messie arrive. I have no time to teach them the depth of the revelation. Je n'ai pas le temps de leur enseigner la profondeur de la révélation. So this is a lot of love and favor from the Holy Spirit who sent me here. Ceci est vraiment un signe de la grande faveur de Dieu qui m'a envoyé ici. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. This is a very critical time in the Church of Christ. Ceci est un moment critique dans l'Église de Christ. There is going to be a major visitation in the wedding of the Lamb. Il y aura une grande visitation au mariage de l'agneau de Dieu. And that visitation, dans cette visitation, will cause a change. Cela va causer un changement that is irretrievable. Qui ne peut être réparé. That's why he said. C'est pour ça il dit, rush into your rooms. Courez à vos chambres. And shut the door behind you. Fermez les portes derrière vous. For the tribulation. Pour la tribulation. 3.5 years. 3 ans et demi. And another 3.5 years of great tribulation. Et 3 ans et demi encore de grande tribulation. For a little while. Pendant un petit temps. 7 years. 7 ans. And then it will be opened again. Alors après c'est encore ouvert. In the time of Noah. Au temps de Noé. It was shut also. Et la porte était aussi fermée. For a little while. Pendant un moment. Until the ark, jusqu'à ce que l'arc, finally went and settled on Mount Ararat. S'est mis sur le mont Ararat. But he said, mais il a dit, like it was during the time of Noah, comme c'était au temps de Noé, so will it be at the coming of the Son of Man. Ainsi sera-t-il à la revenue du Fils de l'homme. At the time of Noah, au temps de Noé, when they entered in. Quand ils sont entrés, before they entered, avant qu'ils entrent, Noah went out. Noé est sorti. And he said, repent, repent, repent. Il dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. The door is open, prepare to enter. La porte est ouverte, préparez-vous à entrer. On the day when the floods come. Afin que le déluge n'arrive. People laughed. Les gens ont ri. They continued in homosexuality. Ils ont continué dans l'homosexualité. The priests of the day continued preaching prosperity. Les sacrificateurs de l'époque ont prêché la prospérité. They continued telling people about green cards and big money, big homes, big cars. Ils ont continué à prêcher sur la citoyenneté, sur la grande voiture, les grandes maisons. But the pastors, hallelujah, but Noah said. Mais Noah a dit, prepare. Préparez-vous. Repent. Répentez-vous. Return to righteousness. Revenez à la justice. Return to holiness. Revenez à la sainteté. The door will be closed. La porte va être fermée. And then, alors, the Lord, le Seigneur, shut him in. L'a fermé la porte. The Lord, l'Éternel, not Noah. Noé. The Lord closed the door. L'Éternel a fermé la porte. And Isaiah et Esaïe saw the same door. A vu la même porte. But he saw only my people. Il a seulement vu mon peuple. Meaning only the elect. Il dit seulement les élus. The elect of the Lord. Les élus de l'Éternel. Will enter the wedding of the Lamb. Va entrer le mariage de l'agneau. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. What is the meaning of my people? Quel est le sens de mon peuple? Let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. When I finish the series for this week, lorsque j'ai terminé la série pour cette semaine, and I go to the last church we are visiting here, j'irai à l'autre église, dernière église qu'on va visiter ici. Don't stay here. Ne restez pas ici. Run there and listen there. Accourez là-bas, allez écouter. Because there will be new revelation there. Car il y aura d'autres révélations là-bas. After that, I will leave. Après cela, je vais partir. So when you come back to your church, quand vous rentrerez à votre église, whether I don't come back, que je revienne ou non, you can see the kingdom of God. Vous pourrez voir le royaume de Dieu. Because you will be founded on the word. Vous allez être trouvé dans la parole. There is no other mirror by which we can examine the church. Il n'y a point d'autre miroir par lequel nous pouvons examiner l'église. The book of Zechariah we read yesterday. Le livre de Zacharie que nous avons lu hier. And he said, my people, il dit, mon peuple is the one third, c'est un tiers, that has been passed through fire, qui est passé au travers du feu, the one third that has been purified by the fire of the Holy Spirit, le tiers qui a été purifié par le feu du Saint-Esprit. The wedding rings are purified. Les anneaux de mariage sont purifiés. The church too must be purified. L'église aussi doit se purifier. He's coming to snatch the church, to steal away the church. Il vient pour dérober l'église. But when a thief comes home, mais lorsque le voleur vient à la maison, the thief normally comes when you don't expect. Il vient généralement quand vous attendez pas. And when he comes, et lorsqu'il vient, he always looks for only gold. Il cherche seulement l'or. He's coming to the house. Il vient à la maison. To steal the golden church. Pour enlever l'église d'or. That's why you must be purified. C'est pour cela que vous devez être purifié. By the fire of the Holy Spirit. Par le feu du Saint-Esprit. The book, we read it yesterday also. Nous l'avons lu aussi hier. The book of 2 Corinthians, precious people. Le livre de 2 Corinthiens, bien-aimés. Because of time. The book of 2 Corinthians. Livre 2 Corinthiens. We read chapter 6, precious people. Nous lirons chapitre 6. There also he talks about my people. Là aussi parle de mon peuple. He's talking about, listen, watch me here. Écoutez, regardez-moi ici. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. He's saying, il dit, that my people, mon peuple, is a separated church. C'est une église séparée. Did you hear me, somebody? Then my people he talks about. Mon peuple de qui parle? That is a church that is separated from sin. C'est une église mise à part du péché. Separated from the world. Mise à part du monde. He says, il dit, how can darkness fellowship with light? Comment les ténèbres peuvent-ils être en communion avec la lumière? But today the church of Christ, mais aujourd'hui l'église de Christ, has mixed darkness with light. A mélangé la lumière avec les ténèbres. And remember, every time you mix light with darkness, souvenez-vous, chaque fois que vous mélangez les ténèbres et la lumière, you always get darkness. Vous allez toujours avoir les ténèbres. In the book of Hosea, we don't have time. Dans le livre d'Osée, nous n'avons pas le temps. He says, il dit, when you take consecrated meat, quand vous prenez la viande consacrée, and put it on your defiled garment, et vous la mettez sur votre vêtement souillé, does it still remain consecrated? Est-ce que cela demeure consacré? Which means holiness. Cela veut dire la sainteté cannot rub off. Ne peut pas s'enlever. But defilement rubs off. Mais la souillure se transmet. Then my people is a separated church. Mon peuple c'est une église mise à part. So God is announcing to the church. Dieu annonce à l'église. The time has come. Le temps est arrivé. For you to live a separated life. De vivre une vie mise à part. Separate from sin. Séparez-vous du péché. Separate from the world. Séparez du monde. Don't do things because the world does things. Ne faites pas les choses parce que le monde fait ces choses. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. You can lead the world. Vous pouvez conduire le monde. Power was given to the church. La puissance a été donnée à l'église. You are the opinion leader. Vous êtes le leader d'opinion. What you do, the world should follow. Ce que vous faites, le monde doit suivre. But how can the church comment l'église start following the world? Commence à suivre le monde. Separated church. L'église mise à part. He says, touch no unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Mm-hmm. Verse 18 is what I read. Verset 18. Of 2 Corinthians chapter 6. Chapter 6. 2 Corinthians 6 verse 18. Let me start from verse 16. He says, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. Mm-hmm. As God has said, I'll live with them and walk among them, and I'll be their God, and they will be my people. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verse 17. Verset 17. Therefore come out from them and be separate, says the Lord. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. So when the Lord was presenting the wedding of the Lamb of God, lorsque l'Éternel montrait le mariage de l'agneau de Dieu, and he showed me how they asleep in the dust of the earth were going to be raptured, il m'a montré comment ceux qui sont endormis dans les poussières de la terre seront enlevés. He gave a very mighty revelation to the church. Il a donné une révélation puissante à l'église. But let me give you now a very important revelation in that visitation. Laissez-moi vous donner une révélation importante dans cette visitation. Isaiah a dit, when the morning dew comes, lorsque la rosée du matin vient, when the morning dew arrives, lorsque la rosée du matin arrive, he says, il dit, the earth, la terre, will now expose, disclose the blood shed on her. La terre va dévoiler le sang qui était sur elle. The earth, la terre, cannot conceal anymore her slain. Ne peut plus cacher ses meurtres. That means when the morning dew arrives. Ça veut dire lorsque la rosée du matin vient. The morning dew, la rosée du matin, coming before the midnight hour, qui vient avant la nuit, in the latter glory, dans la gloire de l'arrière saison, will expose all sin, va dévoiler tous les péchés. No sin will ever be hidden again. Plus aucun péché ne sera caché. Every sin, even a drop of blood that was shed, will be exposed, will be seen. Hey, blood poured here. Tout péché, même une goutte de sang qui était versée, sera dévoilé. Il y a un sang ici. Never again can sin be hidden in the church. Plus jamais le péché sera caché dans l'église. The latter glory. La dernière gloire. Does somebody hear me? Quelqu'un m'écoute là? The latter anointing. La dernière onction is meant to expose sin in the church. C'est fait pour exposer le péché dans l'église. And when sin is exposed, lorsque le péché est exposé, it will stir the church up. Cela va remuer l'église. To repentance. À la repentance. And that is the end time repentance in the Bible. Et c'est la repentance du temps de la fin de la Bible. Hallelujah. He says, il dit, when the morning dew arrives, lorsque la rosée du matin arrive, the earth, la terre, cannot conceal, ne peut cacher, her slain anymore, ses meurtres de plus longtemps, even the blood shed on her, même les gouttes d'eau sur elle, she cannot close up, hide, ne pourra plus cacher, fermer, will be disclosed, tout sera exposé. That means, cela veut dire, when the Lord showed me the wedding of the Lamb of God, lorsque l'Éternel m'a montré le mariage de l'agneau de Dieu, and he showed me they are asleep in the dust, rapturing, il m'a montré les morts dans la terre enlevés. One of the revelations is this. La révélation qui est là, there is going to be a morning dew now. Il y aura une rosée du matin maintenant. In the latter anointing of the Holy Spirit. Dans la dernière onction du Saint-Esprit. And that Holy Spirit. Et cet Saint-Esprit. Is not for showbiz. Ce n'est pas pour le spectacle. It is not for Hollywood showbiz. Ce n'est pas pour le spectacle d'Hollywood. It is for preparing the church of Christ. C'est pour préparer l'église de Christ. For exposing the sin in the church. Pour dévoiler le péché dans l'église. That there may be a mighty end time repentance revival. Afin qu'il y ait un réveil de repentance de temps de la fin. That everybody may be given a chance. Afin que tout le monde ait une chance. To turn away from sin. De se détourner du péché. And return to the holiness of God. Et retourner à la sainteté de Dieu. For without holiness. Car sans la sainteté. No man. Personne. Will see the Lord. Verra le Seigneur. Hallelujah. So do you understand the mind of God? Vous comprenez maintenant la pensée de Dieu. It's a complete turnaround in the church. C'est un changement total dans l'église. And I told the Lord. Et j'ai dit au Seigneur. I told the Lord, this is not fair. J'ai dit, mais c'est pas juste. I told him, this is not fair. J'ai dit, c'est pas juste. How can I be preaching here, Kenya, revival, revival, 1 million, receive the Lord, revival, what? Baptism, everything. And Canada has not heard. Et j'ai dit, comment je peux prêcher au Kenya, 1 million de personnes, réveille, réveille, mais le Canada n'a pas encore entendu. Canada has not heard. Le Canada n'a pas encore entendu. When we were approaching the 1st of January. Lorsque nous étions près du 1er janvier. In that night of 31st of December. Dans la nuit du 31 décembre. In a mighty vision of the Lord, dans une vision puissante de l'Éternel, I saw the hand of God drawing in the sky. J'ai vu la main de Dieu dessinée dans les cieux. And he drew the map of North America. Il a dessiné la carte de l'Amérique du Nord. And then he told me, et il m'a dit, now you are heading there. Maintenant tu vas là-bas. Go tell them. Va leur dire. And I called my team. J'ai appelé mon équipe. And I told them, je leur ai dit, I saw the hand of the Lord in the sky drawing the map of North America. J'ai vu la main de l'Éternel dessiner la carte de l'Amérique du Nord. And he said, now you are heading there. Il me dit, maintenant tu vas là-bas. I knew he would have to love somebody here. Il devait aimer quelqu'un ici. I knew that he would have to share this secret with somebody here. Je sais qu'il devait partager ce secret avec quelqu'un ici. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Your Father in heaven. Votre Père dans les cieux. He knows that you need money to live. Il sait que vous avez besoin d'argent pour vivre. He knows you need money to take your children to school. Il sait que vous avez besoin d'argent pour amener les enfants à l'école. But right now. Mais maintenant. He has said. Il a dit. Let us first return to Jesus. Retournons d'abord à Jésus. All the other things, toutes les autres choses, will be added unto you. Vous seront ajoutés, as you wait for the Messiah. Pendant que vous attendez le Messie, but you cannot rush to the things first. Vous ne devez pas aller aux choses premièrement. Lest the Messiah comes and you miss heaven. Laissez d'abord que le Messie vienne et vous trouvez asseyez aux cieux. Let us walk in the wisdom of God. Marchons dans la sagesse de Dieu. Listen to this. Écoutez ceci. I want to start something here. Je voudrais commencer quelque chose ici. And then we will, wherever we reach, we'll continue tomorrow and then probably we'll be coming down because there's a healing service here on Sunday. Parce qu'il y aura un service de guérison ici le dimanche. And I've told Pastor Mike and his one to work with your worship team to prepare the place. Et je vais parler à Pastor Michael qui va travailler avec votre équipe de louange pour préparer la salle. We are not yet big enough to send our worship teams 2 weeks in advance to prepare, but we bless the Lord that this is His way. Nous ne sommes pas aussi grands pour amener, pour envoyer une équipe de louanges en avance, préparée, mais c'est les voies du Seigneur. I want to read two scriptures. Je vais lire deux passages. And then begin sharing the other most important visitation. Et ensuite partager l'autre visitation importante. Luke chapter 24. Matthew 24, precious people. Matthieu 24, bien aimé. Matthew 24. Matthieu 24. You can read it from verse 1 all the way. Vous pourrez lire le premier verset jusqu'à la fin. But I'm going to read from verse, let us start from verse 1. Let's read from verse 1. On commence au verset 1. This is very critical, somebody. Ceci est vraiment critique, bien-aimé. Write these things down. Écrivez ces choses. I want to go to Rwanda. Je voudrais aller au Rwanda. The pastors are waiting there. Les pasteurs m'attendent là-bas. Pastor Evariste is waiting there. Pasteur Evariste m'attend là-bas. I want to go to Burundi. They are waiting there. Je voudrais aller au Burundi. On m'attend là-bas. D- DRC, they are waiting there. The pastor, the bishop came already, he's going to mobilize. Et le en République démocratique du Congo, si on m'attend, Malawi is waiting. Le Malawi attend. We are heading to Chile this side. On va aller en Chili de ce côté. We are going to Argentina. Nous allons en Argentine. All these people need to hear this. Tous ces gens voudraient écouter ceci. I beg you from the bottom of my heart. Je vous prie de tout mon cœur. Don't take this for granted. Ne prenez pas ceci à la légère. Because my journey is long. Mon voyage est long. Everybody needs to know before he comes. Tout le monde voudrait savoir avant qu'il ne revienne. Matthew 24. Matthieu 24. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth, not a stone here will be left to another. Mais il leur dit, everyone will be thrown down. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, his disciples came to him privately. Privately. They came to him this time privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. If I were you, or where I meet deceiver, I underline. He says, Jesus answered, verse 4. Verset 4, il a répondu. If I meet deceive, I will just underline. Si vous voyez séduire, soulignez ça. Jesus answered. Jésus répondit. Watch out that no one deceives you. Prenez garde que personne ne vous séduise. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. You'll hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verse 8 and 9, you want to watch out now. Verset 8 et 9, vous voulez bien faire attention. All these are the beginning of birth pains. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Listen to verse 9. Verset 9, écoutez. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by the nations because of me. In other words, because of my testimonies. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. How do you move? Comment vous déplacez-vous? From verse 8. Du verset 8. Of Matthew chapter 24. De Matthieu 24. To verse 9. Jusqu'au verset 9. In verse 8. Au verset 8. He's talking about the famines. Il parle de la famine. The wars. Des guerres. The rumors of wars. Des rumeurs de guerre. The earthquakes. Des tremblements de terre. The floods. Des déluges. The pestilences. La peste. Let me share with you. Laissez-moi partager avec vous. I prophesied the first Asian tsunami. J'ai prophétisé sur la première tsunami en Asie. He spoke with me very early before it happened. Il m'a parlé très tôt avant que cela n'arrive. And the message said by voice. Et le message disait par la voix. Go tell the four ends of the earth. Va dire aux quatre anges de la terre. To repent and prepare the way of the Lord. De se repentir et de préparer la voie du Seigneur. After that. Après cela, the second tsunami. Le deuxième tsunami. I was in a church in Nairobi. J'étais dans une église à Nairobi. And I said, I see it coming again. Je dis, je le vois encore arriver. And the next day, massive earthquake. Et le jour suivant, un tremblement de terre terrible. After that. Après cela, on July 10th, 2005. 10 juillet 2005. It was July 10th morning, night, July 11th morning. C'était dans la July nuit 10th night, July 11th morning. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2005. 2005. En 2005. And I was sitting with my team here. J'étais avec mon équipe ici. And I was drawing for them like this. J'étais en train de dessiner comme ceci pour eux. I said it will look like this. Je leur ai dit ça ressemblera à ceci. And I was putting an eye to it. Et je mettais un œil dans cela. We were sitting out there, I was drawing, they were wondering what is he talking about. J'étais là, j'ai dessiné, ils me demandaient qu'est-ce qui se passe. And I said, et je leur ai dit, I said the angel of the Lord, that's the first time I saw the angel flying from heaven coming down. J'ai dit c'est l'ange de l'Éternel, la première fois que je vois qu'il vient des cieux en bas. And then he spoke with me. Et il m'a parlé about this tremendous event. Sur ces événements terribles qui vont arriver. That was coming to hit New Orleans. Qui va toucher la Nouvelle-Orléans. And he took me in the spirit. Et il m'a amené dans l'esprit. By the beaches of New Orleans. Sur les plages de Nouvelle-Orléans. And I saw the sexual sin. J'ai vu l'impudicité. The homosexuality. L'homosexualité. I saw all the perversion. J'ai vu toute la perversion. And he took me to the churches. Il m'a amené dans les églises. And I saw the preaching of false prophets. J'ai vu les enseignements des faux prophètes. The preaching of prosperity and money, sow a seed. Et les prédications de prospérité. Buy your miracle here now, sow a seed, get it now. Achète ton miracle ici, mets une semence et tu vas l'avoir. And he told me, tell them to repent. Et il m'a dit de leur dire de se repentir. Otherwise, there is a storm coming from the Atlantic. Il y a une autre tempête qui vient de l'Atlantique. And I preached it at City Hall, Nairobi. Et j'ai prêché cela dans la City Hall à Nairobi. July 18th. 18 juillet 2005, 2005 and July 20th et 20 juillet 2005, 2005 they were shocked. Ils étaient choqués. Instead of preaching to them, au lieu de leur prêcher, I was pointing at the Atlantic. Je montrais l'Atlantique. And I said the voice of God is now over the water. J'ai dit la voix de Dieu est maintenant sur les eaux. And it's coming to sweep New Orleans. Et va maintenant nettoyer Nouvelle-Orléans. If they don't repent, si ils ne se repentent pas. Listen to what happened. Écoutez ce qui est arrivé. On August 29, le 29 août, about 1 month and a half like this, à peu près un mois comme maintenant, 2005, look at Katrina. Regardez Katrina. And the other three small ones are drawn also. Et les trois autres petits, j'ai aussi dessiné. The Rita, the Wilma, the whatever. Les Wilma et les autres. Why would God show me these things? Pourquoi Dieu me montre-t-il ces choses? The Iranian earthquake. Le tremblement de terre en Iran. On March 25th. En mars 25 mars. And March 26th. Et le 26 mars. 2006, de l'année 2006, at a repentance meeting in Nyamira, à une réunion de repentance à Nyamira, in Kenya, au Kenya, I said, watch out Iran, j'ai dit regardez l'Iran, watch out Russia, regardez la Russie, a historic earthquake is coming to touch you, il y a un tremblement historique qui va les toucher, 5 days, 5 jours, 31st of March. Le 31 mars. I still remember it was a Friday. Je me rappelle, c'était un vendredi. A tremendous earthquake hit Iran. Un tremblement de terre terrible a touché l'Iran. I still remember it's called Lorestan. Ils l'ont appelé ça Lorestan. The western Iran was devastated. L'est de l'Iran était dévasté. But on the 21st of April. Le 21 avril. 2006. The historic earthquake hit Russia. Un tremblement historique a touché la Russie. Afghanistan. L'Afghanistan. I told them, watch out. Je leur ai dit, faites attention. There is an earthquake coming to you there. Il y a un tremblement de terre qui arrive chez vous. Repent and prepare the way of the Lord. Repentez-vous et préparez la voie de Time is now over. Le temps est fini. Return to the Jesus of Nazareth. Retournez au Jésus de Nazareth. In 24 hours. En 24 heures. It hit Afghanistan. Cela a frappé l'Afghanistan. The earthquake in Greece recently. Le tremblement de terre en Grèce récemment. I was live on Jesus Lord Radio. J'étais en direct sur la radio. In the morning at 9:53 a.m. Le matin à 9h53. Live on air. En direct. And I said, watch out and see the earthquake in Europe now. Je leur dis, faites attention, il y a un tremblement de terre en Europe maintenant. At 4:35 European time. À 4h45 heure d'Europe. The tremendous earthquake in 2008. En 2008, un tremblement de terre terrible. It hit Greece up to southern Italy. A touché la Grèce jusqu'au sud de l'Italie. When I was in India. Lorsque j'étais en Inde. In January this year. Au janvier de cette année. I told them there is a tremendous flood coming here. Repent and turn away from idol gods. J'ai dit. Time is over. Des inondations terribles vont arriver. Repentez-vous, éloignez des idoles. Listen to what happened recently. Écoutez ce qui est arrivé récemment. They said the worst flood in more than half a century. 50 years. Yes. L'inondation la plus terrible dans les 50 dernières années. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. And many other events. Dans plusieurs autres événements. The war in Kenya. La guerre au Kenya. I was telling them, repent, prepare the way of the Messiah. Je leur ai dit, repentez-vous, préparez la voie du Messie. I see blood flowing here. Je vois le sang couler ici. It took place. Cela est arrivé. And many other things. Et plusieurs autres choses. Why would God show me this? Pourquoi Dieu me montrera-t-il cette What chose? Is the reason? Is He showing me a movie? Pourquoi il me montre? Est-ce qu'il me montre un film? Is He show me a película movie? Est-ce qu'il me montre un film particulier ou quoi? Verset 8. These are the beginning of bad pain. Ce sont les commencements des douleurs. But how do you move from verse 8? Comment vous dépassez du verset 8 to verse 9? Au verset 9. Verse 9 is tribulation. Au verset 9, c'est la tribulation. Something had happened in between there. Quelque chose s'est passé entre les deux versets. We are now in the beginning of bad pains. Nous sommes maintenant au commencement des douleurs. That means. Cela veut dire. That any time from now. À n'importe quel moment à partir de maintenant. The wedding of the lamb can take place. Le mariage de l'agneau peut arriver. Between verse 8. Entre le verset 8 and verse 9. Et le verset 9, something has happened. Quelque chose s'est passé. All of a sudden, verse 9, tout d'un coup au verset 9, and you will be given over, thrown over to be persecuted and killed for my sake. Alors on vous livrera au tourment et vous serez persécuté à cause de mon nom. The rapture is hidden there. L'enlèvement est caché là. The wedding of the lamb is hidden here. Le mariage de l'agneau est caché là. That is what the Lord is telling the church. C'est ce que l'Éternel dit à l'église. Be careful. Faites attention. In a flash. En un clin d'œil. In the twinkling of an eye. En un éclair. It will occur. Ça va arriver. And the door will be closed. Et la porte sera fermée. My people will have entered. Mon peuple sera entré. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. God himself says. Dieu lui-même dit. Make sure that you enter the rapture. Faites tout pour entrer. After that, après cela, you try to preach Christ, the Bible will be fulfilled. Si vous essayez de prêcher Christ, la Bible sera accomplie. You will be beheaded. On va vous couper la tête. Right now, en ce moment, we have the Holy Spirit. Nous avons le Saint-Esprit. After the rapture, après l'enlèvement, the Holy Spirit has been taken away. Le Saint-Esprit sera enlevé. But even now, même maintenant, when we have the Holy Spirit, bien que nous avons le Saint-Esprit, if somebody walks here with a gun right now, si quelqu'un entre ici avec une arme à feu, and says, renounce Jesus or I shoot you, il dit, renoncez à Jésus ou bien je vous tue. Almost everybody will say, no, I don't know Jesus. Vous avez, presque tout le monde va dire, je ne connais pas Jésus. You are laughing, I'm glad you can laugh. Oh, vous rigolez, hein? When the Holy Spirit is here, quand le Saint-Esprit est là, you cannot even bear any smallest persecution. Vous ne pouvez même pas supporter la plus petite persécution. You are thrown out of job, you are crying, oh God, you have abandoned me, what? Everything is broken, your life is destroyed. You don't even see that God is passing you through that, that he may purify you. Vous perdez l'emploi, vous allez pleurer, oh Dieu, tu m'as abandonné. Vous ne comprenez pas que Dieu est en train de vous purifier. A little sickness and you think now God is not there anymore. Une petite maladie, oh Dieu n'existe plus. How about when the Holy Spirit has been taken away? Mais qu'est-ce qu'il en sera-t-il lorsque le Saint-Esprit sera enlevé? In 2 Thessalonians, en 2 Thessaloniciens, he says, il dit, the spirit of lawlessness is already here. L'esprit de l'impiété est déjà là. But he that holds him back, mais celui qui le retient, will continue to do so, va continuer à le faire, but that lawless one, mais l'impie, will only be revealed after he that holds him back is taken away. Sera révélé seulement lorsque celui qui le garde sera enlevé. He that holds him back is the Holy Spirit. Celui qui retient l'impie, c'est le Saint-Esprit. Now you are supposed to have power. Maintenant vous êtes supposé avoir la puissance. Don't wait for the tribulation. N'attendez pas la tribulation. You cannot stand it. Vous n'allez pas supporter. Are you going to preach Jesus? They say we'll behead you. Vous allez prêcher Jésus, on va vous décapiter. God himself says, Dieu lui-même dit, if you don't believe the abomination of the desolation, si vous ne croyez pas l'abomination, la désolation, that will be in the temple of God, qui est dans le temple de Dieu, this is what he says. Voici ce qu'il dit. He himself will send a spirit to confuse you to believe it. Lui-même, il viendra envoyer l'esprit pour vous confondre. That means you must enter the wedding of the Lamb of God. Cela veut dire vous devez entrer le mariage de l'agneau de Dieu. It is hidden here. C'est caché ici. But today in this church. Mais aujourd'hui dans cette église. In the nation that bears the name Canada. Dans la nation qui porte le nom de Canada. The truth and the secret of God has been released. La vérité et le secret de Dieu ont été révélés. That you may not be in darkness anymore. Afin que vous ne soyez plus dans les ténèbres. That you may now walk with awareness, enlightened. Afin que vous marchiez dans la connaissance et la joie. I want to finish this, somebody. Je voudrais finir quelque part. 1 Corinthians 15, somebody. 1 Corinthiens 15. We have to finish eventually. Nous devons quand même finir. I said, if I go to the next church, don't remain here. Je vous dis, si je vais à une autre église, ne restez pas ici. I don't want pastor to panic. I'm not saying they go to another church. Non, pasteur, je ne veux pas vous paniquer. Je dis qu'ils aillent à une autre église. Non, non, pasteur. I am only saying that the church of Christ is one body. Je dis seulement l'église de Christ est un seul corps. But let them come and take this message. Laissez-les venir et prendre ce message. They will come back more mature and ready to enter. Ils vont revenir beaucoup matures et prêts à entrer. 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 56. 1 Corinthiens 15, 50 à 56. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Listen, I tell you a mystery. Paul calls it a mystery. Paul appelle ça un mystère. I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Voici, je dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. For a long time, pendant très longtemps, the Church of Christ, l'Église de Christ, has suffered a great humiliation in the hand of the devil. A souffert une grande humiliation entre les mains du diable. Listen to me, somebody. Écoutez-moi bien. The church, l'église, has operated as if she were not redeemed. A fonctionné comme si elle n'était pas rachetée. And yet, Genesis chapter 1 verse 26. Bien que Genèse 1 26, he said, il dit, God said, Dieu a dit, let us make man, faisons l'homme, in our own image and likeness, à notre image et à notre ressemblance. That image and likeness, cette image et ressemblance, is an immortal image. C'est l'image immortelle. That image and likeness, cette image et ressemblance, does not die, ne meurt pas. It is not this flesh, ce n'est pas cette chair. This dust, cette poussière, goes back to dust, va rentrer à la poussière. But the image and likeness of God, mais l'image et la ressemblance de Dieu, is imperishable, est incorruptible. That is what God was talking about. C'est de cela que Dieu parle. It is incorruptible. Il dit cela est incorruptible. The day of the wedding of the Lamb of God, le jour du mariage de l'agneau de Dieu, in a flash, en un instant, in the twinkling of an eye, pierre, un clin d'œil, tac, just pierre, la tête. He will be able to take the Holy Church. Il va prendre l'église sainte. And she will wear the incorruptible body. Elle va porter le corps incorruptible. She will fulfill the prophecy in Genesis chapter 1 verse 26. Elle va accomplir la prophétie dans Genèse 1 26. That is the first time. C'est la première fois. The church will wear the image of God. Que l'église va porter l'image de Dieu. The immortal image of God. L'image immortelle de Dieu. The sinless image of God. L'image sans péché de Dieu. The glorious image of God. L'image glorieuse de Dieu. The imperishable image of God. L'image incorruptible de Dieu. The incorruptible image of God. L'immortelle image de Dieu. That's why the day of the wedding of the Lamb of God. C'est pour ça le jour du mariage de l'agneau de Dieu. Is the most important day in the calendar of the church. C'est le jour le plus important, le calendrier de l'église. And if it is so important, et si cela est si important, you must prepare well. Alors vous devez bien vous préparer. Hallelujah. Listen to this. Écoutez ceci. Tomorrow, demain, I want to share about the clock of God in the sky. Je voudrais parler de l'horloge de Dieu dans les cieux. On May 3rd, le 3 mai, the year 2007, de l'année 2007, from India, en Inde, Hyderabad, the town, the city of Hyderabad, dans la ville de Hyderabad, again on May 3rd, 2007, et alors au 3 mai 2007, the Lord again spoke with me about the wedding of the Lamb of God. L'Éternel m'a encore parlé du mariage de l'agneau de Dieu. What did the Lord say this time? Qu'est-ce que le Seigneur a dit en ce moment-là? And it worries my heart. Et cela m'a un peu inquiété. That God Almighty, que Dieu Tout-Puissant, can speak about one thing, puisse parler d'une chose, all the time, tout le temps. That means it's so important. Cela veut dire que c'est vraiment important. If there is any message to take home, that means that thing is important in the heart of God. Cela veut dire que cela est très important dans le cœur à Dieu. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, bien-aimés. If you look at the tabernacle of God, si vous regardez au tabernacle de Dieu, that he told Moses to build, qu'il avait demandé à Moïse de bâtir, there was the outer court, il y avait la cour, le parvis, and also the inner court, et la cour intérieure. The Lord is asking the church to be in the inner court. L'Éternel demande à l'église d'être dans la cour intérieure. You can read it later in the book of Hebrews chapter 9 down. Vous pourrez lire ça plus tard dans le livre d'Hébreux 9. But on May 3rd, mais le 3 mai 2007, write these things. Écrivez ces choses. At 5:38 a.m. in the morning, à 5h38 le matin, I saw the visions of the Lord God Almighty. J'ai vu la vision de l'Éternel Dieu. And what did the Lord show me this time? Qu'est-ce que l'Éternel m'a montré cette fois? He showed me the midnight sky. Il m'a montré les cieux de la nuit. Complete dark thick darkness. Couvert d'une ténèbre, épaisse ténèbre. But as I continued looking into the dark sky, pendant que je regardais dans les cieux ténébreux, in that vision of the Lord, dans cette vision de l'Éternel, then all of a sudden, alors tout d'un coup, heaven stood right before me open. Les cieux se sont mis devant moi et ouverts. He opened heaven. Il a ouvert les cieux. And when he opened heaven, et lorsqu'il a ouvert les cieux, all of a sudden, tout d'un coup, a precious golden clock, une horloge d'or, was lowered into the sky, est descendue dans les cieux. And as I looked at the clock, et quand je regardais à l'horloge, what shocked me, ce qui m'a choqué, was one thing. C'était une chose. When I looked at the minute hand, lorsque j'ai regardé à l'aiguille des minutes, and the hour hand, et l'aiguille de l'heure, I was shocked. J'étais choqué. I said, oh my God. J'ai dit, oh mon Dieu. It is going to be midnight. Il va être minuit. Because it was 1 minute to midnight. C'était une minute avant minuit. God is not a democratic God. Dieu n'est pas un Dieu démocrate. John the Baptist preached it around the Jordan River here. Jean-Baptiste l'a prêché sur les rives du Jourdain. The Lord did not say, l'Éternel n'a pas dit, that until you reach Korea, jusqu'à ce que tu ailles en Corée, and you come back to South America and Australia, et que tu reviennes en Amérique du Sud ou en Australie, that is when the Messiah will come. C'est là que le Messie va venir. He preached at the Jordan River. Il a prêché sur la rive Jourdain, around Judea here, aux environs de Judée. They came into the wilderness of Judea. Ils sont venus dans les déserts de Judée. But no sooner, mais pas très longtemps, had the voice appeared, dès que la voix est apparue, that said, I have seen the Messiah coming, prepare the way of the Lord. Il a dit, j'ai vu le Messie, préparer la voie du Seigneur. No sooner had he begun to say that, dès qu'il a commencé à dire cela, then he changed his tone. Il a changé la tonalité de sa voix. And he said, il a dit, behold, this is the Lamb of God. Voici l'agneau de Dieu. That takes away the sins of the world. Qui ôte le péché du monde. John chapter 1 verse 29. Jean 1 verset 29. If you follow very carefully, si vous suivez attentivement, when Elizabeth was carrying John, lorsque les leaders étaient en train de décapiter Jean, almost at the same time, Mary was carrying Jesus. Au même moment, Marie était en train de porter Jésus. The gap is very small. L'écart est très petit. When the voice appears, prepare the way. I have seen the rings. Lorsque la voix a dit, prépare la voix, j'ai vu les anneaux. And when the Messiah comes. Et lorsque le Messie vient, he is not democratic. Il n'est pas un démocrate. Why Canada? Pourquoi le Canada? Why this church? Pourquoi cette église? I know there's another church we're finishing with. Why those two churches? Mais pourquoi ces deux églises? One day, un jour, when we meet the Lord, lorsque nous verrons le Seigneur, we will ask him. Nous lui demanderons. But for now, mais pour maintenant, don't take it for granted. Ne le prenez pas à la légère. It is favor. C'est une faveur. When I looked at the golden clock, lorsque j'ai regardé l'horloge d'or, I trembled. J'ai tremblé. It was 1 minute to midnight. C'était une minute avant minuit. And what made me tremble? Et ce qui m'a fait trembler? Is the red second hand. C'était la branche en rouge. The second hand was moving so fast. La branche de la seconde allait très vite. And I panicked in that vision. Et j'ai paniqué dans cette vision. I knew any moment now it is going to be midnight. Je savais qu'à n'importe quel moment il serait minuit. And the voice said, et la voix a dit, go tell these people, va dire à ces gens, to prepare the way of the Lord, de préparer la voie du Seigneur. I ran from India. J'ai couru à partir de l'Inde. all the way to Uruguay, South America. Jusqu'en Uruguay, en Amérique du Sud. I panicked. J'ai paniqué. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? We have 15 minutes to finish. Nous avons 15 minutes pour finir. Just bear with me. How many want to do the 15 minutes? Supportez-moi. Combien peuvent les 15 minutes? Then I will finish. Because if the rest, what I will not finish here will be in the next church. Si je ne finis pas ici, ça sera pour l'autre église. Listen to me. Écoutez-moi. The only manual you can follow is this. Le seul manuel que vous pouvez suivre, c'est celui-ci. What is the message the Lord is giving to the church? Quel est le message que l'Éternel donne à l'église? I want to take you back to the book of Exodus chapter 12. Je voudrais vous ramener au livre d'Exode chapitre 12. How he told Israel to prepare for the midnight hour. Comment il a dit à Israël de se préparer pour l'heure de minuit? Exodus chapter 12. Exode chapitre 12. Hallelujah. We will finish in 15 minutes. We will continue tomorrow. Tomorrow I'll begin it from beginning again, the clock. Et demain je commencerai encore au commencement pour l'horloge. That's why you wonder when people say we have so much time. C'est là où vous posez la question, les gens disent ils ont beaucoup de temps. I sent this message to every leading evangelist all over the earth. J'ai envoyé ce message à tous les évangélistes sur toute la terre. To every one of them. À chacun d'eux. So I may wash my hands. Afin que je puisse laver mes mains. I told them stop what you are doing now. Je leur ai dit arrêtez ce que vous êtes en train de faire maintenant. Begin to prepare the church, he is coming. Commencez à préparer l'église car il revient. The word at that time may have been prosperity. Le monde à ce moment-là peut avoir la prospérité. But the word now is prepare the church, return the church to the Lord. Mais la parole aujourd'hui c'est préparer l'église, ramener l'église au Seigneur. Exodus 12, precious people. Exode 12, bien-aimés. You learn a lot here. Vous allez apprendre beaucoup ici. He says start from verse 1. On va commencer du premier verset. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. This month is to be your first month and the first month of your year. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verse 5 is very critical to the Church of Christ in Canada. Verset 5 est important pour l'Église de Christ au Canada. And all over the earth. Et toute la terre. The animals you choose must be year-old males without defect. And you may take them from the sheep or the goat. Cet agneau sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. If I were you, I would underline without defect. Si j'étais vous, je soulignerais sans défaut. Verse 7, jump there. Sortez au verset 7. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lamb. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. The same night they are to eat the meat roasted over fire along with bitter herbs. Someone underline bitter herbs. Quelqu'un puisse souligner des herbes. Along with bitter herbs and bread made without yeast. Underline bread made without yeast. Donc souligner des pains sans levain et des herbes amères. Cette nuit on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Do not eat the meat raw or cooked in water, but roast it over fire, head, legs and all that. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verse 12. Verset 12. On that same night, I'll pass through Egypt and strike down every firstborn of men and animals, and I'll bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verse 13. Verset 13. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Le sang que vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. We have 7 minutes for this. Nous avons 7 minutes pour ceci. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. When it came to telling Israel to prepare for the midnight hour, lorsqu'il était le temps de préparer Israël pour l'heure de minuit, God Almighty in heaven, Dieu Tout-Puissant dans les cieux, was now able to tell them, était prêt de leur dire, to turn away from bread with yeast, de se détourner du pain avec le vin. The church, l'Église. The church too. L'église. If you are going to prepare for the midnight hour, si vous devez préparer pour l'heure de minuit, then time has come. L'heure est venue for you, pour vous, to stop eating that bread with yeast. D'arrêter de manger le pain avec le vin. The bread that is being given in the church now. Le pain qui est donné dans les églises maintenant. Is swollen bread. C'est un pain gonflé. Buffalo. Il est buffalo. It is sweet to the tongue, to the flesh. Il est doux pour la chair, pour la langue. In Kenya, they make some of them sweet. Au Kenya, on fait certains de ces pains très sucrés. You don't need sugar or blue band. Vous n'avez pas besoin de mettre du sucre ou de mettre la margarine, le blue band. You can just eat it like that, it is sweet. Vous pouvez juste le manger comme ça, c'est sucré. It has yeast. Cela a de la levure. And it is very sweet to the flesh. Et cela est vraiment bon pour la chair. They are dancing inside there. Ils sont en train de danser là-dedans. False prophets are in there. Les faux prophètes sont là-dedans. Prophesying horizontal the things of the earth. Ils prophétisent horizontalement les choses de la terre. They don't connect them to the kingdom of God. Ils connectent pas les gens au royaume de Dieu. Because they prophesy to you. Parce qu'ils vous ont prophétisé. Big homes they say you'll get. They say next year prepare 2 garages, you have new cars coming. Ils te disent prépare-toi l'année prochaine, 2 garages, 2 voitures qui arrivent. But the question is, mais la question est, who will lead the children of God? Où sont les enfants de Dieu? Back to the kingdom of God. Qui va les ramener au royaume de Dieu? The bread with yeast, le pain avec le vin, allows people to come to church, permet aux gens de venir à l'église, dressed as if, de s'habiller comme si, they are going to the bar, ils allaient au bar. Nobody rebukes him. Personne ne réprimande cela. When I was in Uruguay, quand j'étais en Uruguay, I saw the dream of the Lord. J'ai vu un rêve de l'Éternel. Before I went to a city called Punta del Este. Avant d'aller à une ville appelée Punta del Este. It is a beach city. There is so much homosexuality. Everything is there. C'est une ville portuaire. Il y a beaucoup d'homosexualité là-bas. And there was a big meeting coming there. Et il y a une grande réunion qui devait se tenir là-bas. But in the dream, the Lord showed me. Dans le rêve, le Seigneur m'a montré. Women in short miniskirts entering where I was going to preach. Des femmes avec des mini-jupes entrant là où je devais prêcher. And the young men in that dream were kneeling down at the door and were begging the women like this. et les jeunes gens s'agenouillant à la porte et implorant les femmes de cette manière-là. Then I wondered, is there a bar there or a church? Je me suis demandé, est-ce que c'est une église ou c'est un bar? In Toronto. À Toronto. If you put another door near the church, si vous mettrez une autre porte à côté de l'église, and you open a bar there, vous ouvrez un bar là-bas, or you open a brothel for prostitutes, ou un hôtel pour les prostituées, and then you come as a stranger, et vous venez comme un étranger, two doors, deux portes. When people are entering here and here, les gens entrent ici et là-bas, you might wonder which one is the church. Vous allez vous demander laquelle est l'église. Which one is the church? Laquelle est l'église? Why are they dressed alike? Comment sont-ils habillés de la même manière? If they have been purchased by the blood of Jesus. Est-ce qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus? We must stop the bread with yeast from the church now. Nous devons arrêter le pain avec le vin dans l'église maintenant. Time is now over. Le temps est maintenant fini. Let us remove the yeast of the Pharisees from the bread. Enlevons le levain des pharisiens de le pain. Let us preach the dry word without yeast. En prêchant la parole sèche sans le levain. The midnight hour is near. L'heure de minuit est proche. It is time to go back to the uncompromised word of God. Il est temps de rentrer à la parole sans compromission de Dieu. If homosexuality is a sin, si l'homosexualité est un péché, call it sin. Appelez-le péché. If false prophets are sinning in the church, si des faux prophètes pêchent dans l'église, throw them out of the church. Sortez-les dehors de l'église. This thing of making it very sweet with yeast, cars, homes, what, things in your life, they're saying, and yet they're not connecting you to God. Ces choses de faire les choses sucrées, les voitures, les ceci, cela, et qui ne vous connectent pas avec Dieu. Let us return to the blood and the cross at Calvary. Rentrons au sang et à la croix au calvaire. There is no yeast there. Il n'y a pas de levain là-bas. And he says, et il dit, when the midnight hour comes, I have two minutes for this. J'ai deux minutes pour ça. Lorsque l'heure de minuit arrive. When the midnight hour comes. Lorsque l'heure de minuit arrive. You are to take a lamb without defect. Vous devez prendre un agneau sans défaut. Somebody don't sleep here. Quelqu'un dort pas ici. A lamb without defect. Un agneau sans défaut. And take the blood. Et prendre le sang. And put on the door frames. Mettre sur la monture de la porte. Because when the midnight hour arrives, lorsque l'heure de minuit arrive, the only thing the Father will see, la seule chose que le Père va voir, is the blood of the lamb without defect. C'est le sang de l'agneau sans défaut. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. We know that Jesus is the lamb of sacrifice without defect. Nous savons que Jésus est l'agneau de le sacrifice sans défaut. It is as though, c'est comme si, in that vision of May 3rd, de cette vision du 3 mai 2007, the Lord looked at the church, l'Éternel a regardé l'église, and asked a question, a posé la question, are you really covered by the blood of the lamb? Êtes-vous réellement couvert par le sang de l'agneau? Are you covered by the blood of Jesus? Êtes-vous couvert par le sang de Jésus? Because when I see the way you are walking, quand je vois comment vous marchez, the way you are living, la manière que vous vivez, it is as though you are not covered. C'est comme si vous n'étiez pas couvert. What a mighty question. Quelle question puissante. Because when the midnight hour comes, car lorsque l'heure de minuit arrive, only the blood of Jesus, seul le sang de Jésus, that covers your heart, qui va couvrir votre cœur, that has circumcised your heart, qui va circoncire votre cœur, that is all that the Father will see. C'est tout ce que le Père va voir. Tomorrow I'll continue to the five wise and five foolish virgins. Demain, je vais continuer sur les cinq folles, vierges folles et les cinq vierges sages. How they waited for the midnight hour. Comment ils ont attendu pour l'heure de minuit. But my question to you is this. Ma question à vous est celle-ci. Are you covered by the blood of Jesus? Êtes-vous couvert par le sang de Jésus? Many say they are Christians. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Oh, I am born again. Oui, je suis né de nouveau. But if you see them in reality, mais si vous les voyez dans la réalité, they are not covered by the blood of Jesus. Ils ne sont pas couverts par le sang de Jésus. Because the blood of Jesus, car le sang de Jésus, will change your identity. Va changer votre identité. You will wear another identity. Vous allez porter une autre identité. The Lord is asking the church. L'Éternel demande l'Église. Are you really covered by the blood of the Lamb? Êtes-vous réellement couvert par le sang de l'agneau? Let us stand up on our feet, precious people. Si on peut tous se lever, bien-aimés. Today, ce soir, if you examine your heart, si vous examinez votre cœur, and you find, et que vous trouviez, that if the wedding of the Lamb took place now and today, que le mariage de l'agneau a eu lieu aujourd'hui, you would not make it, et que vous n'irez pas, if that is you, si cela est votre cas. This is the moment to speak to Jehovah. Ceci est le temps de parler à Jéhovah. Jokes are over. Les blagues sont finies. The games are over. Les jeux sont finis. We are in the last moments before the wedding of the Lamb. Nous sommes au dernier moment avant le mariage de l'agneau. My people. Mon peuple. Enter your rooms. Entrez dans vos chambres. And shut the door behind you. Et fermez la porte derrière vous. Are you going to be part of my people? Feriez-vous partie de mon peuple? If you know you are not in that group. Si vous savez que vous ne faites pas partie de ce groupe. I am leaving this place in the next 1 or 2 minutes. Je vais quitter cet endroit dans les 2 prochaines minutes. The altar here is open for you to return to the Lord. L'autel on your knees. Est pour vous pour rentrer au Seigneur sur vos genoux. Just come on your knees. Venez seulement à genoux. And speak with him. Parlez avec lui. You don't know what happens tomorrow. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. But what happens today? Mais ce qui arrive ce soir. That I know. Ça je sais. That the door is still open. Que la porte est toujours ouverte. Tomorrow I don't. Demain je ne sais pas. The Bible says nobody knows the hour. La Bible dit personne ne connaît l'heure. The day. Le jour. Even the angels. Même les anges. Nor does the Son of Man know. Ni même le Fils de l'homme ne le sait. Precious people. Bien-aimés. If you know your heart is not ready for the wedding. Si vous savez que votre cœur n'est pas prêt pour le mariage de l'agneau, you are welcome to the altar. Vous êtes le bienvenu à l'autel. I am going to pray here. Je vais prier ici.